pas toi qui a connu le trottoir. Sans doute pas toi qui n'a pas connu l'amour. Sans doute pas toi qui n'a pas vu le jour. Sans doute pas toi qui a couru après l'argent. Sans doute pas toi emprisonné par monsieur l'agent. Sans doute pas toi qui n'a pas connu l'école. Sans doute pas toi dépendant à l'alcool. Sans doute pas toi, sans doute personne. Quel sera le pull que cette machine façonne? Sans doute pas toi, sans doute personne. Quel sera le pull que cette machine façonne? Bleu, rouge, rouge.